France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 151. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volets sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 22 février 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es fichtrement sensible au terrible désarroi que provoque la crise économique chez certains. Monsieur le Président, vous avez déclaré ce week-end à Val d'Isère que vous aviez de la chance d'être face à la crise du siècle. Oh, non mais attendez, avec un peu de bol, ça peut empirer, dégénérer et finir en bain de sang. Et là, ça devient intéressant. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien avec ça, je rentrerai directement dans le carré vif des présidents qui ont connu des révoltes historiques. Ramsès II, Ceausescu, Louis XVI et moi. Je suis verni, je te dis. Oui, bon bah tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, comme d'habitude, nous commencerons par notre espiègle office, laïque et freudien, durant lequel, ce matin, nous nous concentrerons uniquement sur la passion de Madame Bachelot pour le 7e art. Oui, Roselyne fait son cinéma. Dans la foulée, nous te dévoilerons les coulisses du tournage de ce thriller politique sorti en salle mercredi dernier et qui met en scène, bien sûr, la visite des leaders syndicaux au palais de l'Élysée. Ensuite, nous découvrirons avec délectation ce mystérieux court-métrage radiophonique dans lequel, figure-toi, nos joyeux fantômes de l'INA se sont déguisés à l'occasion du carnaval. Immédiatement après, entre suspense et bizarrerie, nous t'offrirons le scénario de cette comédie dramatique qu'ont vécu Jean-Claude et Monique au cœur du massif alpin enneigé le week-end dernier. Et puis, en avant-première, à la veille de la vente aux enchères des sublimes œuvres d'art de la collection Yves Saint-Laurent, notre facétieux reporter est allé à la rencontre de celui qui tient le premier rôle dans cette affaire, l'inénarrable Pierre Berger, bien sûr. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités parlées, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission ? Tentez de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique. En direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et invente tes propres images. Things ain't getting over. Listen to what I say. Turnaround. En l'an 2000, venus direct de Brighton, les Britanniques Fats and Small faisaient tourner autour de la planète ce qu'ils nommaient eux-mêmes leur disco mutante. Alors qu'à l'inverse, il y a hélas des mutations qui ne s'opèrent jamais. Service à mon monde, bonjour. Oui, Jean-Pierre Pernaut est le présentateur préféré des Français. Oui. Mais je voulais savoir quels Français exactement. Je sais pas. Parce que... c'est bizarre. Souvent, il y a des sondages, on dit préféré des Français. Moi, je suis par exemple, on m'a jamais demandé. De toute façon, j'aurais pas répondu. Alors, c'est bizarre. C'est qui ces petits Français souvent qui disent la pluie et le beau temps. Tout se fait selon ce truc-là de ces petits Français-là. Oui. Mais qui sont ces Français? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est qui ces petits Français? Au revoir. Mais oui, qui sont ces petits Français? Eh bien. Sans doute pas ceux qui, ce matin, sont confortablement vautrés pour suivre tous ensemble les modestes aventures de ce 151e épisode du Mangin Palace. Et, comme l'exige notre protocole, à 11h12, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, avec qui nous poursuivons inlassablement notre trac à l'inconscient au cœur du discours politico-médiatique du moment. Et ce matin, le fiefé sacripant de nos coursives a étonnamment penché sa lorgnette sur Roselyne Bachelot, toujours présente pour faire tout un cinéma. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Waza ! Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. Faites-moi un peu votre cinéma, Roselyne Bachelot. Comment ça va, toi ? Oh, ben ça va à merveille. Et toi ? Tout baigne aussi. Ah. Ouais. Par quoi ça commence, le cinéma, pour vous ? Alors, le premier film que j'ai vu, c'est Lady. Vous avez un commentaire à faire ? J'ai rien dit. Cette petite fille suisse complètement crispante, qui vit avec son grand-père dans les alpages et qui garde, je ne sais pas si c'est des chèvres ou des moutons. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. Peut-être. Non, mais c'était extraordinaire. Je m'identifiais complètement à cette Heidi. Tu pourrais m'apprendre à tripoter mes bouclettes en ayant l'air particulièrement stupide ? D'où vient votre goût du cinéma un peu plus construit peut-être par la suite ? D'une grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui était dingue de cinéma, qui m'emmenait, et au moment des scènes d'amour un peu hard... Salut, il paraît que vous avez des problèmes avec votre câble. Si tant est qu'à cette époque, il y avait des scènes d'amour un peu hard... Oh, ça c'est ma copine chérie, elle est passée prendre une douche. Je m'appelle Carl, je suis un expert. Elle me disait surtout « ferme les yeux ». Vous pensez bien qu'à ce moment-là, je les ouvrais tout grands. J'aimerais bien faire carrière au cinéma. J'ai non seulement fréquenté les ciné-clubs, mais j'ai même créé un petit cercle cinématographique. T'es pas la coqueluche du lycée, mais tu n'es tout de même pas si impopulaire. Je pourrais quand même faire l'effort de t'inviter à ma fête. Non, sérieusement, tu pourrais faire ça pour moi ? Oui ! Nous nous passions évidemment tous les grands classiques et nous faisions des commentaires sur les films. Et puis, il n'y a aucun problème, j'ai promis aux autres de ne pas inviter d'autres filles plus jolies qu'elles. Vraiment, là, je me sens sacrément flattée. Votre acteur mythique pour vous ? Eh bien, l'acteur mythique, certainement, c'est Louis Jouvet. Non pas parce qu'il est pharmacien comme moi. J'ai de l'herbe à profusion. Je t'en ai vendu que 7 grammes la semaine dernière. Ça peut pas te suffire, vu ta consommation. Ça s'est fumé depuis longtemps. Ce serait quand même un peu... Mais quelque part, oui, à cause de cette diction inimitable... Toi, tu as la cam ? Oui, j'avais la cam, mais elle n'est pas ici, sur moi, maintenant. Elle est là tout près. Et puis, tous les acteurs de la comédie américaine, Cary Grant, par exemple, son jeu est complètement moderne. Il sait à la fois être dans la charge, mais aussi rester très, très soft. T'as bientôt fini parce que j'en ai marre de la tenir. Pour faire de la politique, il faut être généreux. Et pour faire l'acteur, il faut aussi être généreux. C'est elle qui dit ça ? Est-ce que parfois, on n'est pas tenté d'en faire un peu trop ? Il faut se fixer des limites. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai tombé. Si je vous donne comme ça très vite les noms de quelques hommes politiques, à quels acteurs vous font-ils penser? Par exemple, Jacques Chirac, le président. Ah, assez bien par Gary Grant. C'est un peu compliqué. Oui. Vous binez pas, même nous, on n'a pas tout compris. Monsieur Sarkozy? Bah, il est un acteur à lui tout seul, il n'a pas besoin d'évoquer quelqu'un d'autre. Tu laisses ce qu'il y a dans ta tête sortir de ta bouche, tu me sens bien en considérer toutes les conséquences. Voilà, merci infiniment. Merci, Rosine Bachelot. On reste en contact? On reste en contact avec Roselyne Bachelot. Voilà sans doute le mot d'ordre qui court dans les couloirs des hôpitaux au moment même où les députés discutent de ce projet de loi qui risque de transformer l'hôpital public en une jolie entreprise. Encore un beau dossier social pour notre président. D'ailleurs, mercredi dernier, comme chacun sait, Nicolas Sarkozy recevait à l'Élysée les leaders des fédérations syndicales pour un sommet social qui avait été très sérieusement préparé par notre président. Bon, bah on y va, j'attends vos suggestions. J'ai une question. Oui, vas-y François. Pourquoi Roselyne est là? Oh, bah François! Bah tu sais que Roselyne a parfois des idées surprenantes. Démanteler l'hôpital, c'est elle, moi j'y avais pas pensé. Bon, alors, ça vient? Bah vous servez vraiment à rien, hein. Alors Roselyne? Hein? Bah pourquoi tout le temps moi? Et si on torturait Besançon jusqu'à ce qu'il nous donne une mesure sociale? Bon, il parlera pas. Ah, si j'ai ma caisse à outils, je vous promets qu'il parlera. Hein. Mais Brice, t'es plus à l'immigration, t'as plus le droit à ta caisse à outils. J'ai un truc spectaculaire, j'en l'ai. Ouais? Si on leur donnait le nom du père de l'enfant de Rachida Dati. Oh là là. Pff. Gros soupir de Nicolas Sarkozy qui, entouré de ses ministres, se sent toujours seul, très seul. Alors, face à l'urgence sociale, Nicolas Sarkozy a aussitôt pensé que le plus sage pour préparer sa rencontre avec les syndicats serait de prendre conseil auprès de celle qui trouve toujours les mots justes quand il est dépité, la belle Carla, bien sûr. Non, t'as pas le droit de baisser les bras. Le monde est laid, mais il faut trouver le courage de le reconstruire. Si au lieu de se battre, tout le monde faisait des efforts, les fleurs se remettront à pousser et les gens ne mourront plus de faim ou de soif. Il y aura des champs de blé partout et les sources se remettront à jaillir un jour. Regarde! Mais on dirait que c'est une fleur. Non, c'est pas possible, je rêve. Je croyais que la terre était morte à tout jamais. Mais non, la terre n'est pas morte à tout jamais, puisque les multinationales continuent à faire de gros bénéfices et que les actionnaires se goinfrent de dividendes. Pourtant, malgré les conseils de Carla, Nicolas Sarkozy ne se sentait toujours pas au point pour affronter l'union syndicale. Alors, notre président a fait comme à chaque fois que se pointe une crise majeure, il a téléphoné à son meilleur conseiller économique et social. Et une fois encore, son maître à penser n'a pas été décevant. Quelle pointure, cette Mireille Mathieu. D'abord, il y a eu 36, mais 68, et puis 95. La rue qui faisait la loi, et dans leur slip, ils mouillaient les chefs d'État. Mais on n'est plus au GP. C'est bien fini, Monsieur Sarkozy va niquer la CGT. Tu l'as dans le cul. Mathieu Mireille. Merci, Mathieu Mireille. Bon courage. Parce que vous allez en chier. Vous allez en chier comme les autres. Bon courage. Vous allez savoir ce que c'est que d'en chier maintenant. Au revoir. Merci à tous. Eh ben. Ça s'annonce bien, cette réunion. Bon, Nicolas Sarkozy avait bien compris les dangers, pour lui et son gouvernement, de ces mouvements sociaux qui couvent et pour lesquels il a convoqué les leaders syndicaux mercredi après-midi. D'ailleurs, à peine les patrons du syndicalisme français sont-ils entrés dans les salons dorés de l'Élysée que François Chérec, de la CFDT, a été pris à part par Claude Guéant, le directeur de cabinet de la présidence. Vous, un bon ouvrier qui s'est toujours montré raisonnable. C'est vous qui êtes à la tête des mécontents? Monsieur le directeur, c'est justement parce que je suis un homme tranquille auquel on n'a rien à reprocher que mes camarades m'ont choisi. La vérité, c'est que vous avez ici à des excitations malheureuses. Oui, c'est une vraie peste aujourd'hui qui souffle sur tous les ouvriers et qui corrompt même les meilleurs. On vous a promis plus de beurre que de pain. On vous a dit que c'était votre tour d'être les maîtres. On vous enrégimente dans cette fameuse internationale. Cette armée de brigands qui ne rêve que de détruire la société. Mais François Chérec a rassuré Claude Guéant. Oui, bon, à la fin, il signera, comme d'habitude, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin quand même, hein. Dans la foulée, François Chérec est retourné dans l'antichambre où les autres leaders syndicaux, principalement Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière et Bernard Thibault de la CGT, attendent l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Et François Chérec leur a demandé ce qu'ils ont fait pendant son absence. Bon, on a repris les négos, hein. Pas mal. Bon, écoutez, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que la vraie bataille moderne, elle est là. La diminution du temps de travail. Parce que, un, on peut pas vivre comme un homme et travailler comme une bête. Ça, c'est pas de moi, c'est de Marx. C'est pas d'actualité, ça. Quoi ? Et en 36 ? C'était d'actualité, peut-être, quand les patrons leur ont annoncé qu'il faudrait payer un mois de congé par an ? C'est grâce à la lutte que des millions de gens ont pu découvrir la mer. Et qui s'en rappellent aujourd'hui. Alors moi, je vous le dis, faut aller plus loin. Accroche ton char à une étoile, disait Emerson. Alors battez-vous. Ça joue maintenant, vous m'entendez ? Maintenant ! Le contexte est idéal. C'est grand rien qu'à lui. Et le petit faucon ? Pardon, qu'est-ce qu'il a dit, là ? J'ai compris con. Non, non, rien. Non, non, il a dit un truc, là. Le grand yaka. Écoute, commence pas, on est tous en train de fatiguer, là. Oui, l'unité syndicale, c'est épuisant pour les dirigeants des grandes fédérations qui ne savent pas trop comment agir pour faire pression sur le gouvernement. C'est alors qu'au milieu de cette réunion de leaders syndicaux, une petite voix s'est élevée pour rappeler que les mouvements sociaux, certes, ce n'est jamais simple à lancer, mais qu'il suffit juste parfois d'entrer dans la danse. Entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle. Entrer dans la danse des mouvements sociaux, c'est aussi compliqué pour un leader syndical que pour un adolescent complexé de se lancer sur le dance floor à la boum de fin d'année. Mais bon, quand c'est parti, et c'est la fièvre du samedi soir jusqu'au bout de la nuit. L'idée fait son chemin chez les dirigeants syndicaux quand soudain, l'huissier ouvre les portes en grand car ça y est, arrive Nicolas Sarkozy, toujours aussi à l'aise, dis donc. Vous savez, souvent, quand on me trouve dans la rue, les gens me disent « Mais vous n'arrêtez pas de couper la parole aux gens. » Et mon Dieu, comme ils ont raison. Il y en a un qui m'a dit un jour « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. » Il me l'a dit comme ça. Et je me suis dit « Mais il n'y a pas que moi. Il y a plein de gens à qui j'ai envie de dire « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. » J'ai envie de le dire. Ça peut descendre dans les cours de récréation. Ça peut être... Ça me ferait tellement plaisir que ça aille à l'Assemblée nationale. Ça me ferait tellement plaisir qu'on me dise à... Enfin, ça me ferait plaisir que... qu'on le dise, quoi. Ça s'appelle « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. » Et puis c'est parti. Et c'est parti. Mais aucun n'a osé couper le président qui présentait ses propositions. Alors, en fin de compte, cette réunion a été plutôt tendue et chacun, hormis le patronat bien sûr, est quelque peu ressorti sur sa faim. Malgré les propositions de M. Sarkozy, les syndicats ont maintenu leur appel à une journée d'action unitaire le 19 mars prochain. Et en sortant de l'Élysée, tous en chœur, les leaders syndicaux ont dit au revoir au président. C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants. N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons. Bon, voilà qui est dit. Le sommet social de mercredi dernier n'a donc rien réglé de la grogne dans le pays. Mais au moins, cette petite table ronde a permis à notre président de préparer son allocution télévisée de jeudi dernier où il fallait savoir lire entre les lignes. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, au milieu des difficultés que nous traversons, je vous propose le seul chemin qui vaille, celui de l'effort. Je possède le punch, j'ai la baraka, j'ai la méga pêche, j'ai la méga pêche. Je vous propose de regarder vers l'avenir et non vers le passé. Alors, un petit message d'espoir aujourd'hui. Cette crise s'achèvera. Nous recueillerons alors les fruits de nos efforts. J'ai confiance dans les atouts de notre pays, J'ai confiance dans son avenir. J'ai été élu pour prendre des décisions, pour assumer les difficultés et pour proposer des solutions. On peut très bien, comme moi, avoir des montagnes de problèmes insurmontables, hein, dans tous les domaines confondus de sa vie, sans pour autant perdre la méga pêche. Aujourd'hui, c'était ma réponse aux conséquences sociales de la crise. Vive la République et vive la France. Fallujah, big up ce matin pour ce French dub system que nous deal ici Lover Trendy Molecule featuring Promo. Tu n'y comprends rien, mais c'est normal, c'est un dialecte postmoderne. Anne Segulel, certe. A voyarohu, boyualo. Alors, après avoir découvert les coulisses de cette réunion au sommet entre les syndicats en colère et notre président en col blanc, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h28 sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu l'as bien repéré, nous sommes entrés de plein pied dans la période du carnaval. Les cariocas se trémoussent à Rio depuis vendredi dernier, tandis que les masques vénitiens ont envahi les ruelles de la Sérénissime depuis une petite dizaine de jours. Eh bien, figure-toi qu'à Lina, nos joyeux fantômes, jamais en reste, avaient eux aussi la ferme intention cette semaine de se prêter au plaisir de cette mascarade ancestrale. Seulement voilà, inquiets qu'une institution publique comme l'INA s'engouffre dans la subversion qu'offre le charivari, une commission de parlementaires UMP s'est pointée chez nous jeudi soir afin de mettre bon ordre à tout ça. Ainsi, écoutons attentivement l'étrange récit de notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Alors tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, tout était sans dessus-dessous. Jeudi soir, nous avons reçu une délégation de parlementaires UMP chargée d'enquêter sur le carnaval. Et pour être plus proche de leur sujet, Ils sont venus déguisés. L'un, une tête de pipanterre. L'autre, une tête d'amiral anglais. Il y en avait avec des têtes de boules puantes, des têtes de galifets, des têtes d'animaux malades de la tête, des têtes d'Auguste Comte, des têtes de fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de Monseigneur et des têtes de crémie. Pour commencer, Jean Cocteau a expliqué aux députés les origines profondes du carnaval. Le peuple en liesse se livre à de véritables bacchanales dont l'origine remonte à l'ancien culte agraire. Pendant 7 jours, une licence générale règne sur la ville. Les lois civiles, comme les lois morales, sont suspendues. Plus aucune autorité ne se manifeste. Un esclave remplace le roi, dispose du harem royal. Il est servi à la table du prince par ses serviteurs. Prendre la place du chef sous son masque, Jean-François Copé était enthousiaste. Splendid! Et bonjour la classe! Maintenant on va s'éclater! Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard! La fête passée, il est sacrifié aux dieux pour qu'ils pardonnent à la ville ses péchés anciens et qu'ils y amènent l'abondance. Saturnales et mystères subsisteront à travers toute l'histoire mésopotamienne. Et Rome elle-même verra se célébrer ces curieuses fêtes agraires venues du fond des temps que le christianisme conservera dans le carnaval. C'est plus fort que moi. Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être ce que je veux. Mais les députés UMP n'avaient toujours pas compris à quoi servait le carnaval. Alors Emmanuel Leroy Ladurie leur a expliqué. Carnaval, c'est l'expulsion du mal social. Or, les gens ne sont pas d'accord sur le mal social. La droite et la gauche sont en désaccord. Les classes supérieures ou les classes populaires ne sont pas d'accord. Par conséquent, il peut y avoir toutes sortes de façons de faire le procès de carnaval. Au XVIe siècle, en Suisse, les protestants ont profité pour faire le procès du pape et fusiller son mannequin. On peut attaquer des dictateurs, ou Napoléon III, ou le président du Conseil, ou Mitterrand, ou Giscard, selon que le village est, ou la ville est de droite ou de gauche. Donc je crois que le carnaval, c'est une forme qui peut recevoir toutes sortes de contenus. En conclusion, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, a proposé une alternative au carnaval, moins subversive, mais tout aussi amusante. Bernard, c'est bon, t'es ok, t'es prêt, on peut y aller, t'as tes tests, c'est ce qu'il faut, on peut y aller, c'est bon, t'es ok? Oui, c'est bon. Ok, on y va alors, action. Ok, d'accord. Musique, quand tu veux. Bonsoir à tous. Passionné par le sosisme depuis plusieurs années, je cherche si possible des gens qui me ressemblent physiquement afin de créer un club régional de sosie, et il s'agirait de se rencontrer de manière mensuelle afin d'échanger des astuces sur mon corps qui... Non, ça va pas. Non, ça va pas. Non, pourquoi, Bernard? Pourquoi tu t'arrêtes? Enfin, c'était vachement bien, Bernard! Bernard, pourquoi tu t'arrêtes tout d'un coup? Regarde-moi! Bernard! Non, je sais pas, tout d'un coup, je suis en train de me demander si c'est vraiment une bonne idée, cette histoire de club, là. J'ai un vieux doute, tout d'un coup. Mais non, pourquoi? C'est pas... C'est pas mal, comme... Mille merci, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration carnavalesque et poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Et maintenant, afin de poursuivre nos aventures masquées, retrouvons nos actualités locales et foutraques où pendant toute l'année, on prépare les costumes. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors bien sûr, toujours en direct du Mangin Palace à 11h34, rejoignons immédiatement Grosboule-les-Bains où nous attendent nos deux givrés qui slalomment avec la crise, les sympathiques Monique et Jean-Claude qui, cela dit, le week-end dernier sont allés passer 2 jours dans une station de ski au cœur du parc national de la Vanoise en Savoie. Mais avant tout, sache qu'ils ne sont pas partis seuls, puisqu'il n'y a pas longtemps, ils ont tissé des liens avec de nouveaux amis. Oui, et nous avons pensé que si nos enfants devenaient amis, nous devrions devenir amis avec vous. Des amis par défaut. Oui, c'est vrai que nos enfants passent beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Je crois que depuis que leur copain Kenny est mort, ils ont comme une espèce de vide à combler. Notre fils est parfait pour combler les vides, et il est tellement content que vos enfants soient devenus ses meilleurs copains. Et avec Linda, on se disait que, étant donné qu'on est tous devenus amis, ce serait formidable d'aller ensemble faire du ski ce week-end. Ah, j'ai peur qu'on n'ait pas les moyens. Non, ne vous inquiétez pas, on est tombé sur une publicité qui offre 2 nuits si on va à une réunion sur la multipropriété. Et après, le séjour est gratuit ? Oui, il suffit d'assister à une présentation de 30 minutes. C'est une offre qui me paraît honnête. C'est une super affaire, allons-y ce week-end. Une aubaine, se dit Jean-Claude. Attends, 2 jours gratos à la montagne, en pleine guerre de récession, franchement, c'est inespéré. Et c'est ainsi que le week-end dernier, nos deux couples se sont installés dans un grand chalet au cœur de ce petit village alpin où, très vite néanmoins, Monique et Jean-Claude ont ressenti une étrange atmosphère. D'ailleurs, dès le premier soir, dans cet appartement qu'on leur propose d'acheter en multipropriété, Jean-Claude n'était pas très rassuré. Non mais écoute-moi ça, mais d'où t'entends ce bruit? Non mais t'entends ça? D'où ça peut venir ça? Non mais écoute, non mais t'entends ça, mais je suis fou quoi, non mais vraiment, c'est... Bon, mais c'est un grondement maintenant, mais écoute-moi ça, mais sacré bon Dieu, mais d'où ça peut venir? À mon avis, ça vient de la cage de l'ascenseur. Ah, non, c'est pas la cage de l'ascenseur, ça, ce bruit vient des murs, quelque part dans le mur, hein. Non mais c'est quand même curieux, hein, non mais quand même, hein. C'est ma première nuit dans cet appartement, alors tu comprends, là, j'étais d'accord, je veux inaugurer les lieux, et puis... Ça alors, c'est la meilleure, mais l'eau est toute marron. Ta plomberie est rouillée. L'eau qui est toute marron au robinet. Mais comment ça se fait, ça? C'est ta plomberie qui est rouillée. Mais regarde ça, l'eau est toute marron. J'ai des rats qui font du tap-tap, j'ai une grenouille, et maintenant, j'ai de l'eau marron. Bon, Monique se veut cartésienne et demande immédiatement à Jean-Claude de se calmer. Eh oui, elle sait pertinemment que ce genre de propositions immobilières sont souvent de grosses escroqueries, donc si l'appart est tout pourri, tout est normal. Elle propose alors à Jean-Claude de venir se coucher. Ils vont s'endormir paisiblement et demain, ils profiteront de la montagne. Seulement voilà. Ce qu'ignorent Monique et Jean-Claude, c'est qu'ils viennent de passer leur première nuit dans un village de montagne très particulier. Figure-toi par exemple qu'il n'apparaît sur aucune carte géographique et la route pour y parvenir est plus que rudimentaire. D'ailleurs, dès son réveil, lorsque Monique pousse les volets du chalet, elle n'en croit pas ses yeux. Il y a un ours dans le village. Il s'est dressé sur ses deux pattes dans la ruelle. Il essayait d'ouvrir la porte de la maison du voisin. C'est impossible, n'est-ce pas? Il faut prévenir la gendarmerie. Inutile de prévenir les gendarmes, madame, répond alors le gros ours à Monique, qui n'est autre que le maire velu et bourru de cet étrange village. Une heure plus tard, nos deux couples en week-end se retrouvent à l'auberge du coin pour un copieux petit déjeuner durant lequel Bernard, le nouvel ami de Monique et Jean-Claude, propose de s'embarquer pour une randonnée en raquette dans la montagne. Formidable programme, se réjouit Monique. Le départ a lieu dans 1 heure en hélicoptère. Franchement, ce n'est pas cher, mais il faut juste payer le tout en cash. Jean-Claude se rend alors à la seule banque du village et, dans le hall, devant le distributeur de billets, un étrange villageois s'adresse à Jean-Claude. C'est idiot, j'ai oublié mes lunettes et je n'arrive pas à lire les chiffres pour taper mon code. Oui, je vous en prie. Pierre Pichegru ? Oui. Vous êtes un descendant du général Jean-Charles Pichegru ? Tout à fait. Et ça vous fait sourire ? Pardon ? Pichegru était un traître. Avec l'infâme Moreau, il a tenté de poignarder l'empereur. Je regrette. Mon ancêtre agit pour le bien de la France. S'il avait réussi, il aurait épargné des milliers de fils humains. Rendez-moi ma carte d'abord. Non. Monsieur, je vous en prie, rendez-moi ma carte. Non. Au nom de la France, rendez-moi ma carte bleue. Voilà ce que je fais de la carte bleue d'un conspirateur royaliste. Non, mais... Non, mais toi, c'est trop fort. Non, mais ma... Je vais me plaindre, monsieur. Vive l'empereur. Je vais me plaindre. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Oui. Comme tu le sais, Jean-Claude a toujours été fasciné par Napoléon. Et franchement, retrouver ici un descendant de ce traître général Pichegru, décidément, ce village de montagne est très bizarre. Quoi qu'il en soit, vers 11h samedi matin, notre petite équipe de randonneurs avec leur guide se fait déposer en altitude pour amorcer cette fantastique balade en raquette. Il fait grand soleil et Monique est ravie. Ça ramonne les poumons, hein? Oh, ça va vous faire un bien fou avec les saloperies que vous respirez toute l'année. Et on est à combien, parce qu'on respire mal, hein? 3008 à peu près. Tu vois, c'est la station qui est en bas là-bas. C'est bas, hein? Oh, papa, vache. C'est ça le Mont Blanc? Mais non, c'est le Mont Rose, là. Ah. Puis alors, tu vois là, c'est la dent du Guignol. Pierre, la coulée du Grand Bronze, c'est derrière, là, mais on peut pas la voir. Oh. La chance, sent tout petit, hein. De toute façon, t'es pas bien grand, alors. J'ai l'impression qu'il va faire beau, hein. Ouais, merci. Merci. Bon, on file à la coulée du Grand Bronze. On bouffe là-bas ? Ouais, pique-nique. Oh, allez. Même la toponymie des lieux-dits de cette contrée alpine sont vraiment très étranges, se dit Jean-Claude. Et voilà maintenant que le soleil a totalement disparu. En montagne, le temps change très vite. Et en moins d'une heure, le blizzard s'est abattu sur notre équipe de randonneurs. L'excursion est compromise et la progression devient même très difficile. D'ailleurs, leur guide de montagne estime qu'il faudrait rapidement regagner la station. Le mieux serait sans doute de couper par la piste K200 qui se trouve juste devant eux. Ils s'apprêtent tous à s'y engager quand soudain, un vieillard surgit des sous-bois pour les mettre en garde. Le K200 vaut mieux éviter cette descente. Cette piste a une histoire. 45 personnes sont mortes en la descendant et on prétend que leurs fantômes hantent encore les lieux. C'était lors d'un concours de ski. Un groupe d'étudiants avait été tué par un enfant loup-garou évadé d'un hôpital psychiatrique. Faut dire que sous cette piste, il y a un ancien cimetière d'une tribu d'indiens vachikas qui ne se nourrissait que de chair d'enfants aveugles. Ouais, elle est chargée d'histoire, cette piste. Merci, monsieur. De rien. Très poliment, donc, Jean-Claude remercie ce mystérieux vieillard qui disparaît aussitôt. Bien entendu, traumatisés par ces funestes révélations, nos deux couples refusent absolument de suivre le guide sur cette terrible piste. Seulement voilà, aussi tarés que les autres villageois, le guide de haute montagne en question les plante sur place. L'anxiété est à son maximum, bien sûr, d'autant que le blizzard est de plus en plus fort. Que vont-ils faire ? Abasourdis par ce vent violent et cette neige qui ne cesse de tomber, Jean-Claude sent bien que ses compagnons d'infortune pourraient rapidement sombrer dans une peur panique, voire un délirium très mince. Du coup, au cœur de la tempête, il tente de les réconforter avec une formidable histoire napoléonienne. Il neigeait. On était vaincus par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. La Privert fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Pour Monique, il ne fait aucun doute que Jean-Claude est à présent possédé par le mystérieux esprit de cette région. Que vont-ils devenir dans cette Bérézina ? La nuit tombe à grands pas, vont-ils tous périr ? Quand soudain, face à eux, se dresse un miraculeux refuge. Ils s'y précipitent tous les quatre et décident bien entendu d'y passer la nuit. Ils sont sauvés, mais plus jamais, se dit Monique, elle ne se fera berner par ces offres bidons que sont ces promotions à la con de multipropriétés. Toujours est-il qu'une fois à l'abri, épuisés, nos deux couples ont tenté de s'endormir. Fin de ce curieux week-end. Cela dit, Bernard avait une énorme migraine et Jean-Claude, lui, semblait toujours aussi possédé par l'esprit diabolique de cette contrée reculée. Il n'y a pas à s'inquiéter, à plus de 4000, il est impossible de dormir la première nuit. Je sais pas, j'ai une barre, là. Peut-être qu'il faudrait le sucer. Oui. Pourquoi vous essayeriez pas de le... Non, mais moi, je peux me retourner. On se retourne, ça va. C'est vraiment pas drôle, ok? Vous allez pas flipper parce que... Écoutez, Alexandra, c'est pas une petite turlute qui... C'est quand même mignon, moi. Si vous pouviez le sucer à... Je rêve. Pourquoi vous... Je rêve. Bah oui. Oh, je suis dans un état, les enfants. Je suis dans un état. J'ai envie de baiser. J'ai envie de baiser. Alors soit on dort ou soit on y va. T'as mal à la tête, mais ça te fait rire. T'arrêtes. Vous arrêtez. Non, vraiment, vous arrêtez. Vous voulez... Mais moi, j'aimerais bien qu'on me suce. Parce que je voudrais... Ah, j'en peux plus. J'ai les pommes de terre au fond du sac. J'ai besoin de baiser. Il n'y a que ça qui détend. Ça serait tellement drôle. Vous êtes... Mais vous êtes plus dans... Vous êtes plus à Lyon. Vous êtes à la montagne. On peut se détendre. Alors maintenant, toujours en direct du Manche à Palace, à 11h44, oublions les pulsions et la folie montagnarde de notre Jean-Claude qui depuis a rejoint Grosboule-les-Bains, car il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à cette invraisemblable vente aux enchères des œuvres d'art de la collection Yves Saint-Laurent. Depuis quelques jours, tout le monde en parle et c'est à partir de demain, lundi, que cette collection hallucinante s'éparpillera aux quatre coins du globe. Alors, avant qu'elle ne disparaisse, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre de celui qui est aujourd'hui l'unique propriétaire de cette collection, à savoir l'inénarrable Pierre Berger, le compagnon du légendaire créateur. Après la mort d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger a donc décidé de tout bazarder, en gros pour ne jamais vivre dans le passé. Ainsi, juste après la virgule, découvrons l'émotion sincère de celui qui a choisi, sous les coups de marteau d'un commissaire-priseur, de voir disparaître demain toute une partie de sa vie, sans doute pour continuer à vivre, tout simplement. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? L'événement dans le monde de l'art, c'est la vente de toute la collection ayant appartenu à Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. La maison Christie s'en chargera en février prochain. Ce sera la vente du siècle, en quelque sorte. On parle de 500 millions d'euros. Il faut dire que le grand couturier, mort en juin dernier, avait rassemblé patiemment avec son compagnon de véritables trésors. Mobilier, objets, tableaux de Matisse, de Picasso, de Léger, de Mondrian, de Cézanne. Finalement, la vente était la seule solution possible. Puis, pour vous dire le vrai, c'est une solution qui me plaît bien. Moi, j'ai toujours considéré qu'on n'était pas propriétaire des œuvres d'art, qu'elles étaient chez vous, en transit, qu'on avait une chance incroyable de les avoir pendant un moment, mais qu'on ne les possédait pas. Dans quelques minutes, s'est représentée la deuxième collection de Saint-Laurent. La première, l'hiver dernier, n'a pas entièrement convaincu. Cette fois-ci, il joue sa carrière. Si c'est un échec, Yves Saint-Laurent devra fermer sa maison de couture. Si c'est un triomphe, il sera peut-être le Dior de demain. Son succès dépend de quelques fabricants de l'opinion publique, dont Eleanor Rubinstein, Blackwell, Virginia Pope, Marie-Louise Bousquet, Kirkland, Shepherd. Terrain de match, tout le monde est là, on peut commencer. Vous savez, le jour où Yves Saint-Laurent est mort, j'ai trouvé que cette collection avait atteint ses limites. Cette œuvre-là, nous l'avons fait à deux. C'est une œuvre partagée. La vente était la seule solution possible. Je déteste les bourgeoises, je déteste leur esprit, leur intransigeance, leur goût aussi. Elles ne s'habillent pas, en fait, sont très ennuyeuses. En voyant, en analysant cette collection, je peux dire qui vous étiez tous les deux, finalement. Oui, j'espère. Parce qu'en effet, c'est ce que je trouve. Je trouve que cette collection faite à deux, cette collection reflète exactement ce qu'était Yves et ce que je suis. Vous vous souvenez de ce moment où tous les deux avec Yves Saint-Laurent, vous êtes rendu compte de la collection que vous étiez en train de construire? C'est la première fois qu'on me pose cette question, et c'est donc la première fois que je vais donner la réponse. Oui, un jour, comme ça, Yves m'a dit « Qu'est-ce que ça te fait d'avoir une des plus belles collections du monde ?» Et quand il me l'a dit, nous n'avions pas encore la collection que nous avons constituée depuis. Mais en tout cas, ce qui est vrai, que ce jour-là, je me suis dit que oui, que nous étions en train de construire quelque chose de solide, d'important. Et si vous deviez acheter l'une de ces œuvres au moment de cette vente, vous seriez peut-être surpris, d'ailleurs peut-être pas, si je vous disais que j'ai une affection particulière pour tel tableau. Et ce tableau, ce ne sera pas Mondrian, ce ne sera pas Picasso, ce ne sera pas Matisse, ce ne sera pas l'admirable Brancusi, non. Ça serait peut-être ce petit paysage de jeunesse de Degas, petit paysage d'Italie. D'abord peut-être parce que, probablement parce que je l'ai eu dans ma chambre à coucher très longtemps. Donc je l'ai vu pendant très très très longtemps, une vingtaine d'années. Vous pourriez me demander pourquoi vous ne l'avez pas gardé. J'ai rien voulu garder. Ne rien garder de cette collection, assurément, c'est une manière de survivre pour Pierre Berger, qui nous a également confié au passage que cette somme inimaginable qui devrait atteindre 300 millions d'euros après les enchères serait redistribué en partie au CID Action, impeccable, mais également à la Fondation Yves Saint-Laurent qui soutient de nombreux projets de création artistique. Voilà, et une fois la vente terminée, ne doutons pas que Pierre Berger retournera bosser. Bon, j'ai bossé. Oh, tu sais, j'ai oublié de te dire. Quoi ? Ce week-end, à la kermesse de la paroisse, ça s'est très bien vendu, l'œuvre de ton cousin. L'œuvre de mon cousin ? Ouais, on en a tiré 30 euros. Quoi, le véchis qui, là ? Le quoi ? Mais c'était pas ça, l'œuvre de mon cousin. L'œuvre de mon cousin, c'était la lampe en macramé. T'as récupéré la sculpture avant-gardiste. Le Vichyski. Tu les as, les 30 euros, là ? Ah ben non, c'est pour les pauvres. Comment ça, pour le... Ah oui. Oui, oh, les pauvres. C'est Nikos, bienvenue dans le château de la Star Academy. Entrez dans ce monde magnifique. Ah, on me dit château dans l'oreillette. Le monde du tube cathodique. Il y en a donc plusieurs. Qui diffusent quoi ? Une histoire très académique. Des histoires de cul aussi, on croise les doigts. L'histoire d'un château fantastique. Et tout ça pourquoi ? Pour se faire de la maille, bien sûr. Tu sais, quand les blaireaux commencent à chanter. Les blaireaux pour se raser, c'est ça ? Les audiences se mettent à grimper. Comme le compte en banque de la production. Les producteurs vont pouvoir palper. Palper un max, attention. Et nous là-dessus, on va rien gagner. On ramasse plus que le Téléthon. On a signé pour être enfermé. Et maintenant, vous prenez le téléphone. Dans un château en plastique moulé. Alors tapez 1. À la télé, les gens vont voter. Vous tapez 2. Tous les samedis pour nous dégager. Et nous, on vous tape votre blé. Ah, on me dit dans l'oreillette que j'ai pas le droit de faire de la pub. Les blaireaux commencent à chanter. Ah, j'avais oublié 12 blaireaux. Les audiences se mettent à grimper. Parlant de grimper, moi j'aime bien Aurélie. Les producteurs vont pouvoir palper. Allez, montez avec moi dans ma gerbédesse. Et nous là-dessus, on va rien gagner. On s'est éclaté, on est à côté du Calomino. Ah, c'est pour les autres le prix. Du Pascal Obispo. On a signé pour être enfermé. Patricia Cass, la parraine de l'émission. J'aime beaucoup Sébastien Molin. Voilà, Cholin, voilà, je crois. Fais la météo. Christine, bravo, Kiki. Allez, Kiki. C'est pour toi la chanson. Julien Lepers. Salut, Gigi. On est là-haut, tu le vois. Moi, j'aime tout le monde. Et puis, j'aime le fric. Et j'aime Arthur. Salut. Et j'aime la Star Academy. Du fric. C'est le 6-9 qui donc se régale de la thune faite par cette télé-réalité où de pauvres candidats sont conduits à vivre dans des conditions innommables, entassés dans un loft ou échoués sur une plage pourrie. Et tout cela sans doute pour soutenir notre président qui voulait construire, souviens-toi, une France de propriétaires sans penser que le système économique qu'il a toujours soutenu conduisait à l'inverse. Et tu sais ce que j'ai appris ? Non, mais je vais le savoir. Une maison, c'est ce qu'il y a de mieux sur la terre. Oui, ce qu'il y a de mieux, tu as raison. Elle te plaît, la maison ? Bon, alors tout va bien. Alors maintenant, à 11h53, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel ? Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, dans la presse cette semaine, écoutez, je n'ai pas trouvé de thématique particulière qui se détachait réellement, non. Je n'ai pas trouvé de lien entre les dépêches, alors allons-y, tenez pour commencer. Vous saviez que jeudi dernier, Barack Obama s'est tapé une grosse queue de castor ? Eh bien, c'est le quotidien canadien La Presse qui nous raconte cette aventure. Barack Obama était en visite officielle au Canada, son premier déplacement comme président dans un pays étranger. Et jeudi, après avoir rencontré le premier ministre Stephen Harper, Barack s'est arrêté au marché de Baye pour acheter une queue de castor ou une pâtisserie à la crème fouettée et à la cannelle. Oui, Philippe, mais vous imaginez-vous avec une queue de castor à la place de votre pain au lait et de vos chouquettes, là ? Non, hein ? Bon, alors sinon, que lit-on dans la presse ? Mais il y a cette étrange histoire qui terrifie les lecteurs du Colorado Springs Gazette. Dans les vastes plaines, un homme a pris la mauvaise habitude de couper la queue des chevaux. Oui, la queue des canassons. Alors, ce qui est étrange tout de même, c'est que le crin de cheval n'a aucune valeur marchande. Mmh. Non, aucune. Alors, bon, les bourrins n'ont pas mal, hein, mais quand même, sans queue. Philippe, mais imaginez-vous à la place du cheval, là, sans queue, pour chasser les mouches. C'est super handicapant, quand même. Bon, alors, toujours dans cette quête illusoire pour trouver un lien entre les informations dans la presse, je suis tombé sur un article du Courrier de l'Ouest qui nous donne la solution pour attraper le voleur de queue de cheval au Colorado. Mmh. Il suffit de leur envoyer Nicolas Sarkozy. Ah, tout simplement. Parce que notre président s'est rendu dans le Maine-et-Loire. C'était jeudi pour visiter une ferme à Domeray, c'est pas très loin de Sablé-sur-Sarthe. Une visite d'une heure et demie, hein, pas plus, un village de 1600 habitants, avec quand même 700 policiers et gendarmes mobilisés. Ah oui, oui. Ah oui, une armée comme ça qui se déplace pour une petite visite. Et à l'inverse, Philippe, je suis persuadé qu'il n'y a même pas eu autant de policiers dans la ville de Vinkovci, en Slavonie, dans l'est de la Croatie, pour un événement pourtant sans précédent. Ah! On y a présenté une saucisse de 530 mètres. Non, mais c'est une thématique. Oui, non, je vois pas. Oui, la dépêche de l'AFP est tombée sur les téléscripteurs samedi dernier. Inimaginable. Mais Philippe, imaginez-vous avec une saucisse croate de 530 mètres. Bon alors, ils étaient plusieurs centaines à se la partager, cette énorme saucisse. Oui. Alors, je vous lis la dépêche de l'AFP. Des centaines de participants à cet événement, dont nombre d'entre eux vêtus de costumes traditionnels de Slavonie, ont formé une longue queue, assiettes et couverts dans les mains. Et Philippe, on apprend également qu'il s'agit de la plus longue saucisse du monde, qui écrase un précédent record détenu par des Roumains avec une saucisse de seulement 392 mètres. Petit joueur, quoi. Bon, Philippe, cette histoire, moi, m'a rappelé un article de la République des Pyrénées de juillet 1978 que Pierre Bourdieu utilise dans son ouvrage « La distinction critique sociale du jugement ». Cet article nous raconte que le Bénéjacois François Bruat a défendu son titre de champion de France du plus gros mangeur de faillot, 2,7 kg en un quart d'heure. Et Pierre Bourdieu utilise cet exemple flatulent pour illustrer la lutte pour la distinction des agents sociaux, parce que ce n'est quand même pas la même chose que d'assister au festival du faillot ou à un récital de petite musique de nuit. C'est pour les dominants la volonté de se distinguer par une action de moralisation et de remise en question des valeurs des classes dominées. Et d'ailleurs, pour réglementer toutes ces festivités populaires, on peut toujours compter sur l'Union européenne. Les nouvelles d'Alsace d'hier, samedi, nous apprennent que l'Union européenne menace le bretzel. Et oui, l'Union européenne a décidé de réglementer la quantité de sel dans le pain à 1 gramme par kilo. C'est très bien, parce que trop de sel, c'est évidemment dangereux pour la santé. Or, pour le bretzel, il faut 15 grammes par kilo. Philippe, c'est la panique en Bavière. Pour la fête de la bière, il est impossible de se passer du bretzel, cette spécialité pâtissière en forme de gros nœud, évidemment. Oui. Bon, Philippe, écoutez, voyez, j'ai pas trouvé de cohérence, j'ai bien cherché, rien ne m'a sauté aux yeux. Juste pour finir, j'ai pas été le seul à ne pas être clairvoyant. À Angerberg, au Tyrol, Aldolf Meyer, âgé, vieux, a confondu son frigo et sa cheminée. Il a mis le bois dans le frigo, il y a mis le feu. Il y a eu de la fumée, il a appelé les secours et c'est très bien. Car je pense que pour terminer cette revue de presse, l'intervention du pompier s'imposait. Merci Monsieur Mauduit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 151e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mange à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Alors, pêle-mêle, je remercie beaucoup Xavier Mauduit, bien sûr, mais également Jérôme Chélius, doublure officielle de Marco Mutel. Merci beaucoup, Jérôme, assisté aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux. C'était parfait. Ensuite, je remercie Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet, Marie Berthoumieux, Thierry Dupin et Olivier Lefayère, ainsi que les documentalistes de l'INA. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Chris pour son retour à la tête du Crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le Ministère Psychique et en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode du Mange un Palace. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. Non, c'est la fin.